En fait, pas du tout. Elle est en perpétuel changement. Ces clichés montrent des modifications de la surface de la Lune qui n'avaient jamais été détectées auparavant, et ça indique que la circonférence du satellite de notre planète s'est contractée d'environ 100 mètres durant le passé récent. Le passé récent, là, c'est-à-dire depuis environ un milliard d'années. Moi, c'est ça, je me demandais c'est quoi le passé récent. <ça. rire> Si on se met au point de vue géologique, on peut dire que c'est récent. Ouais. Donc, la Lune est vivante du point de vue géologiquement parlant, et la Lune continue à évoluer depuis sa formation. Les photos qui ont été prises par la sonde américaine qui ausculte notre satellite depuis le mois de juin 2009, en témoignent, et ont été comparées à celles qui avaient été récoltées par les différentes missions Apollo au cours des années 70. Puis c'est un peu là, grâce à ça qu'on a vraiment pu comparer puis qu'on a détecté des changements. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais les analyses révèlent que des bourrelets, des failles se sont créées et se sont agrandies au cours de ces 40 dernières années-là. Et pour comprendre ces changements, il faut se rappeler que dans sa jeunesse, il y a 4 milliards d'années, la Lune était chaude et était constituée d'éléments radioactifs. Puis, elle s'est progressivement refroidie, puis nous sommes en train de comprendre qu'elle continue toujours de se refroidir aujourd'hui. Et c'est ce refroidissement interne qui provoque toutes ces contractions-là. Pour mieux comprendre ce phénomène-là, on utilise l'image là d'une vieille pomme qui se riderait là sur le coin d'un bureau. Ah oui, elle se rétracte, ouais. C'est ça, c'est un peu l'image qu'on peut se faire là, de l'évolution de la Lune. Notre satellite aurait ainsi perdu une centaine de mètres de circonférence dans le passé récent, ce qui veut quand même dire, comme on l'a dit, les derniers 100 millions d'années. Une découverte qui viendrait aussi expliquer les fameux tremblements de Lune. Oui, ça existe. Ah, la Lune tremble oui, aussi. Oui, il y a des tremblements de terre, mais il y a aussi des tremblements de Lune. Et c'est enregistré périodiquement. Il y en a souvent sur la Lune, des tremblements. Il y a des sismographes qui sont installés là depuis l'émission Apollo. Et jusque-là, on attribuait plutôt ces tremblements-là par les pluies de météorites. Mais on s'est rendu compte que c'est pas tout à fait ça. C'est une des sources, mais c'est pas la seule. Les tremblements de Lune peuvent être aussi d'origine thermique. En fait, c'est la conséquence de la dilatation de la croûte lunaire, on pourrait dire, qui subit une expansion lorsque la surface est illuminée par le soleil, suite à 2 semaines consécutives de pénombre, parce qu'elle passe 2 semaines dans la noirceur et 2 semaines aussi face au soleil. Donc, ce changement de température-là, ça entraîne Des dilatations contre la voici. Exactement. Puis, ces tremblements-là peuvent même atteindre 5,5 sur l'échelle de Richter. C'est quand même énorme. J'ouvre une parenthèse. Juste entre 1972 et 77, les sismomètres là, des missions Apollo ont enregistré pas moins de 28 tremblements de Lune. Et d'ailleurs, je lisais sur Internet que c'est de plus en plus une préoccupation pour la NASA parce que là, on le sait, ils commencent à parler qu'ils veulent faire des missions et comme avoir une base permanente sur la Lune. Et il va falloir que soit prise en compte énormément. Exactement, parce que c'est très dangereux, là. Imaginez, c'est comme ici, là. Si les structures se cassent à l'extérieur, on peut pas vivre. C'est ça. Puis les pompiers sont un peu loin. Donc, c'est un élément qui est très important pour ce qui est de la Lune. Donc, puis en plus, là, on en sait un peu plus sur sa géologie. On sait qu'elle est vivante du point de vue géologique, puis qu'en plus, elle a quelques ressemblances finalement avec la Terre. En fait, tu ne savais même pas qu'il y avait un cœur éventuellement radioactif qui avait donné une vie géologique à la Lune. En fait, tu ne savais même pas. Il n'y a pas juste la face cachée de la Lune qui a plein de secrets. Je pense que la Lune a plein de choses qu'on découvre là, avec les années. Donc, c'est ça. C'est les images qui ont été données par la sonde américaine, mais sont venues vraiment changer notre perception de notre satellite naturel. Et donc, pour eux, et puis même pour nous, on peut plus considérer la Lune aujourd'hui comme un as qui est mort. Absolument. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir fait revivre la Lune pour cette dernière chronique à l'émission de Futur Simple. Merci beaucoup, Mélanie. Ça m'a fait plaisir. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL 89,1. Et alors là, je vois plein de têtes qui arrivent dans le studio. Les chroniqueurs se bousculent. Alors, pause musicale sur CKRL 89,1.